Nobody play, so he's doing. On n'ose plus maintenant. Bon, c'était avec quoi? Oh, Martin, what is it then? Donc tu joues sur quoi? Sur un tone wheel? Advocate of potassium levels, high potassium levels. Thank you. certaine d'utiliser les drogues là, boire les jus. Avec le Père Philippe ici présent, nous allons prier pour les gens là. Comprenez que les gens là présentement sont remis complètement. À José, quand on va Martin. Martin là, même pousser les cannabis. C'est un là. Vous comprenez? Père Philippe ici présent pour m'accompagner. Aujourd'hui là, c'est seulement Père Philippe était anciennement dans le cannabis. Il fumait chaque jour en train de jouer la guitare avec les amis, en train de fumer. Père Philippe a changé, c'est-à-dire que il boit les sangs de Jésus. De temps en temps, c'est-à-dire que les verres. Amen. Un verre par jour. C'est bon. Père Philippe, ici présent. Amen. Amen. Père Philippe, amen. Père Philippe, est-ce que je peux venir faire la messe dans ta cuisine? Père Philippe, amen. Amen. Tu m'as pris pour un petit. Ah non, moi, c'est dire la vérité. Je te dis, je ne fume pas les joints. Tu as mis la caméra là. On a vu, hein, sur internet là. On t'a enregistré. T'as de fumer là. Avec le monsieur. Hein? Tu as enregistré, hein? J'ai stocké. Je n'ai pas. Je n'ai plus de batterie. Je n'ai plus de batterie, monsieur. Thank you. Fatigué. Where's Martin? Ah, here it is. Oh, Martin, we have a big dilemma. Je suis fatigué, je ne veux pas jouer. Il y a Bip Bip, Bip Bip, il nous a planté là, il est parti, le vilain. Thank you. Thank you.